suffocation in some stupid little town. A black killer. Salut à toutes et toutes, la tribu, c'est Vampire Freaks, c'est avant 122ème, et c'est Spike qui débarque dans le salon. Et oui, salut la tribu, c'est Spike, c'est la Vampire Freaks, c'est la 122ème, et je suis ravi de vous retrouver pour cette émission cette semaine, au programme des nouveautés, du culte, enfin plein de choses. On commencera tout de suite avec Peace Sells de Megadeth, c'est sur l'album Peace Sells But Who's Buying, sorti le 19 septembre 1986, on retrouve Wake Up, The Conjuring et My Last World, un classique de ces classiques. On continuera avec une nouveauté, I'm Sure, le nouveau Hangover, c'est sur l'album Comeback, sorti en 2017. On retrouve The Same, Drain, Fuck and Roll, on les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes digitales. On écoutera ensuite Loose Change de Royal Blood, c'est sur l'album Royal Blood, leur premier album sorti le 25 août 2014. On retrouve Out of the Black, Figure It Out et Careless. On les retrouve sur Facebook, YouTube, Bandcamp et toutes les plateformes digitales. On écoutera ensuite How Can I Leave You de Desmond Dekker, c'est sur l'album Best Of sorti en 1975, réédité en 1980. On retrouve Wolves and Leopards, Party Time et Man Next Door. Et on finira ce bloc en live avec Message in a Bottle de Police. C'est sur le live, sorti le 29 mai 1995, qui a été enregistré entre 79 et 83. On retrouve Next to You, So Lonely, Roxanne, enfin bref, du son culte. I can't. fold. Yeah, your money don't fold. Success still with your top hanging, shattered from your little hole. Now there's nobody home. Yeah, there's nobody home. Teeth clean, 19, ice queen, looking on the guillotine. Buckle down on your floor. All the glitters is gold, till your glitter gets sold, then your money don't fold. Cause all the glitters is gold, till your glitter gets sold, then your money don't fold. Vampire Freak chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite. Promise you won't ever make me blue. Vous êtes toujours dans 122e Vampire Afrique, c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter Peace Cells de Megadeth, I'm Sure le nouveau Hangover, Loose Change de Royal Blood, How Can I Leave You de Dennis Brown, et on a fini ce bloc en live avec Message in a Bottle de Police. On continuera cette émission avec une nouveauté, je dirais presque même une exclusivité, Lyonnaise de Ulvand. C'est le single d'un album en cours, des nouvelles très vite. On retrouve Ulvand sur Facebook, Bandcamp, parce qu'il y a deux extraits, et YouTube et toutes les plateformes digitales. On continuera ensuite avec Burning Love de Lee Aaron, c'est sur l'album Call of the Wild, son troisième album sorti le 25 juin 1985. On retrouve Rock Me All Over, Champion, Line of Fire, un classique de chez classique. J'ai entendu dire qu'elle allait ressortir un album, ça pourrait être pas mal à trouver. On continuera cette émission avec Indies Love de Stick Figure, c'est sur l'album Set in Stone sorti le 13 novembre 2015. On retrouve Fire on the Horizon, Son of the Sea et Shadow. Allez sur la page Facebook de Stick Figure, ils sont aussi sur Bandcamp et toutes les plateformes digitales. On continuera avec un petit son à l'ancienne, Unbankable de Revenge. C'est sur l'album Unbankable, sorti le 15 janvier 2008. On retrouve Face to Face, Do You Want to Rock Me et Action Not Word. Et on finira ce bloc en live avec Life is a Lemon and I Want My Money Back de Meatloaf. C'est sur l'album Bout Out of Hell 2, Back into Hell, leur son 7e album sorti le 14 septembre 1993. On retrouve Rocket of Dreams, Come True, Wasted Youth et Lost Boys and Golden Girls. Un classique de chez Classique. Vampire Freaks, émission radio où Spike débarque dans votre salon.

Vous êtes toujours dans la 122e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter Lioness, le nouveau Ulvand, Burning Love de Liaron, Is This Love de Stick Figure. On a eu ensuite Unbreakable de Revenge et on a fini ce bloc en live avec Life is a Lemon and I Want My Money Back de Meatloaf. On continuera cette émission avec une petite dédicace dans Moi HLM de Renault pour Valérie. C'est sur l'album Marche à l'ombre, le quatrième album sorti en février 1980. On retrouve les Aventure de Gérard Lambert, Marche à l'ombre, et Où c'est que j'ai mis mon flingue, du son culte. Et puisqu'on sera toujours dans les dédicaces, on écoutera ensuite Un jour en France de Noir Désir, c'est pour Henri. Donc Valérie et Henri nous écoutent régulièrement sur la Normandie. Merci à eux et merci de suivre les aventures de cette émission. Donc Un jour en France, c'est sur l'album 666.667 Club, sorti le 8 novembre 1996. On retrouve Fin de siècle, Comme elle vient et L'homme pressé, un classique. On continuera ensuite avec Celebration Day de Led Zeppelin. C'est sur l'album Led Zeppelin 3, leur troisième album, sorti le 5 octobre 1970. On retrouve Immigrant Song, Out of the Tates et That's the Way, du son culte. On écoutera ensuite Les Enfants Rois de Nemo, c'était aussi le titre de leur EP, trois titres sortis en 2008. On retrouve Les Enfants Rois, Diary of a Dame of Mad Men, qui est une reprise de Black Sabbath, et Touché Coulé. Et on finira ce bloc en live avec les Damned et Discoman. C'est sur le Live à Newcastle, sorti le 15 juin 1983, la semaine dernière. On retrouve Ignite, Generals et Love Song, un classique. Dans mon HLM, y'a une espèce de barbouze qui surveille les entrées, qui tire sur tout ce qui bouge, surtout si c'est bronzé. Passe ses nuits dans les caves avec son Beretta, traque les mômes qui chouravent, l'opinard aux bourgeois. Il se recrée l'Indochine dans sa petite vie de peine cul. Sa femme sort pas de la cuisine, sinon il cogne dessus. Il est tellement givré que même dans la Légion, ils ont fini par le jeter. C'est vous dire s'il est con. Putain, ce qu'il est blême. Mon HLM est la môme du huitième. Le HLM. Au premier, dans mon HLM, y'a le jeune cat dynamique, costard en alpaga, celui qui a payé 20 briques, 102 pièces plus le chia. Il en a chié 20 ans pour en arriver là. Maintenant il est content, mais il parle de se casser. Toute façon il peut pas, il lui reste à payer le lave-vaisselle, la télé et la sûre pour ses chats. Parce que naturellement, ce bon contribuable centriste, il aime pas les enfants, c'est vous dire s'il est triste. Putain, ce qu'il est blême. Mon HLM est la montre du huitième, le HLM. Au deuxième, dans mon HLM, y'a une bande d'allumés qui vivent à 6 ou 8 dans 60 mètres carrés. Y'a tout le temps de la musique, des anciens de 68. Y'en a un qui est chômeur, y'en a un qui est instit, y'en a une, c'est ma sœur. Ils vivent comme ça, relax. Y'a des matelas par terre, les voisins sont furax. Ils font un boucan d'enfer, ils payent jamais leur loyer. Quand les huissiers déboulent, ils écrivent à Libé. C'est vous dire s'ils sont cool. Putain, ce qu'il est blême. Mon HLM est la montre du huitième, le HLM. Au troisième, dans mon HLM, y'a l'espèce de connasse, celle qui bosse dans la pub, l'hiver à Avoriaz, le mois de juillet au club. Comme toutes les décolorées, elle a sa mini Cooper, elle allume tout le quartier quand elle sort son coquère. Au manif de gonzesse, elle est au premier rang, mais elle veut pas d'enfant, parce que ça fait vieillir, ça ramollit les fesses, et puis ça fout des rides, elle l'a lu dans l'Express. C'est vous dire si elle lit. Putain, ce qu'il est blême. Mon HLM est la montre du huitième, le HLM.

face is cracked from smiling. All the fears that she's been hiding. And it seems that pretty soon everybody's gonna know. Vampire Freak chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite. again, you're on the dole. Do you take me for a ride? It's a man. Had to run, no rest to hide. Worst in the land. Hey, but just go, man. I'm one night stand. Go, man. Can't understand. Vous êtes toujours dans 122e Vampire Freaks, c'est Spike qui vous accompagne. On vient de s'écouter Dans moi HLM de Renault, Un jour en France de Noir Désir, Celebration Day de Led Zeppelin. On a eu ensuite Les Enfants Rois de Nemo et on a fini ce bloc en live avec Disco Man de Damned. On continuera cette émission avec une nouveauté, un fantôme, le nouveau Baby. C'est sur l'album Décon, enfin leur premier EP Décon, un EP 5 titres. On retrouve Décon, Des Valises, Dérouillé, Regarde qui je vise et Un fantôme. Il s'est sorti le 27 novembre 2017. On retrouve Baby sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes digitales. On continuera avec une autre nouveauté, Never Let You Go, le nouveau Nevermind de Car. C'est sur leur EP2, leur deuxième EP, 6 titres sorti en 2018. On retrouve Sweet Love, Innocent, Elastic, Ghost Crisis et Never Let You Go et Angel Falls. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes digitales. On continuera avec une exclue et même une nouveauté et même une exclue du moins. Nothing Beside the Remains de Deadline. Ils sont français. C'est aussi leur titre de leur cinquième album. Troisième album, pardon, qui va sortir en mai 2018 chez Ellie Promotion. On retrouve Devils in Dettles, Man on Mission et Last Shot. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et bientôt sur les plateformes digitales. On écoutera ensuite une autre nouveauté. Ah ouais, là, il y a de la nouveauté, là. Des Nouvelles du Ciel, le nouveau Madame Guillotine. C'est sur l'album Politic Circus, sorti en novembre 2017. On retrouve La Parade des Clowns, Lâcher les Chiens et L'Armée des Ombres. On les retrouve sur Facebook. Donc, la page, c'est MG Rock Band Argenton. On les retrouve aussi sur Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes digitales. On finira ce bloc, allez, avec un gros son culte, Lively Up Yourself de Bob Marley and the Wailers. C'est sur l'album Live, sorti le 5 décembre 1975, durant la tournée Natty Dread. On retrouve Trench on Rock, No Woman No Cry et Get Up, Stand Up, Don't Give Up the Fight. Je n'ai pas fait comme on doit, même si j'ai fait de mon mieux. Dans mon œil, j'ai collé mon doigt jusqu'au coude. Tu pourras pas faire mieux. Du fond de la classe, j'avais levé ce doigt pour toute la journée rester dans mon pieu et t'affronter. Je n'ai pas le choix, fichu comme un mois d'août. Plus vieux, je suis comme un fantôme. appartement témoin. Je suis comme un fantôme dans mon appartement. Je me noie, comment gérer pour le mieux? Je traîne encore ce je ne sais quoi, la perte de temps, des envieux et insister. Je ne crois pas insister, je sais faire mieux et te manquer. Je n'ai pas le droit, inutile comme un humain. Prétentieux, je suis comme un fantôme dans mon appartement témoin. Je suis comme un fantôme dans mon appartement témoin. Je suis comme un fantôme dans mon appartement témoin. Je suis comme un fantôme dans mon appartement. Let it go again. miss I remain. Vampire Freaks, émission radio où Spike débarque dans votre salon. We'll be right back. Merci, merci, merci. On vient de s'écouter un fantôme, le nouveau Baby, Never Let You Go, le nouveau Nevermind the Car, Nothing Beside Remains, le nouveau Deadline, Des Nouvelles du Ciel, le nouveau Madame Guillotine. On va finir ce bloc en live avec Lively Up Your Safe de Bob Marley. On continuera cette émission avec Bastet Stepper, le nouveau George Dub. C'est sur l'album Hank Stepper, sorti le 27 mai 2017. On retrouve Nate Stepper, Nude Stepper et Seth Stepper. Allez sur la page Facebook de George Dub. Il est aussi sur Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes digitales. On écoutera une autre nouveauté, Run Away, le nouveau plomb. C'est sur leur EP 3 titres Unity, sorti le 3 février 2017. On retrouve Unity, Crazy Monkey et Run Away. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes digitales. On écoutera ensuite une nouveauté et même une exclusivité. S'il s'agit de Poisson d'Avril, en mi-avril, ça tombe bien, de Fast and Furious et Les Crétins des Alpes. C'est sur l'album Apparaître 10 ans plus tard de Fast and Furious qui sortira très bientôt, des nouvelles très vite. En attendant, on retrouve Facebook, Fast and Furious et Les Crétins des Alpes sur Facebook, voilà ce que je voulais dire. On les retrouve aussi sur Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes digitales. Et je tenais à remercier Skool, le chanteur de Fast and Furious, de m'offrir cette exclusivité. On finira ce bloc en live avec j'ai oublié Éternel Combat de le nouveau La Route Saint-Louis, encore une exclusivité. C'est sur un album qui vient de paraître, je vous redonnerai les références à notre moment. Et donc on finira ce bloc en live avec Charles Z. Blood de Beton Todd en live. C'est sur l'album 1000 fois live, sorti en mars 2018. On retrouve Gluckauf, Viva Punk et Firefly. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes digitales. La Route Saint-Louis aussi, on les retrouve sur Facebook, YouTube et Bandcamp. Thank you. Yeah. classe, on va faire péter la gagnante. Mais en fait, c'était un leurre qui fait seulement avec sa sœur. Oh, mais tu peux les sourire. J'suis allé dire à ma copine, ça y est, j'suis prêt à m'engager. Oh oui, chérie, je ménage déjà, on va me démarrer. Mais non, j'suis pas si téméraire, je veux juste devenir militaire. Je sors pas avec toi pour ton frère, ok? Oh mais chérie, c'est un poisson d'avril. On dit toujours que c'est facile. On dit toujours que c'est facile de raconter des trucs débiles. Des trucs débiles. Et pourtant c'est très difficile de faire un bon poisson d'avril. Poisson d'avril. Poisson d'avril. Poisson d'avril. Salut voisin, tu sais que je t'aime bien. J'ai quelque chose à t'annoncer. Je sais que Josiane c'est ta femme, mais j'ai envie de me la taper. Eh ben vas-y, tu peux te la faire. Ça me soulage même que tu me dises ça, car moi je veux baiser ta grand-mère. Sauf que lui il plaisantait pas. Vampire Freaks chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite. Croire en ce que l'on croit. On vient de s'écouter Bastet Stepper, le nouveau George Dub, Runaway, le nouveau plomb, Poisson d'Avril, la nouveauté et l'exclusivité de Fast and Furious, Éternel Combat en exclusivité de la Route Saint-Louis, c'est sur l'album Punk de Chalet sorti en 2017. Allez sur la page Facebook de George Dub, plomb, Fast and Furious, la Route Saint-Louis, Madame Guillotine, Neverman de Car, Bebly, enfin allez sur toutes les pages Facebook de ces gens-là, YouTube et compagnie. On finit cette 122e Vampire Freaks touche malheureusement à sa fin. Je vous remercie encore de l'avoir suivi. Laissez-moi vos messages et dédicaces sur la page Facebook de l'émission Vampire Freaks, l'émission radio. Pas d'émission la semaine prochaine parce que je ne suis pas là. Et on finira cette émission avec Raccroché, c'est une horreur de Jane Birkin. C'est sur l'album Jan et Serge sorti en 1973. On retrouve notamment Le Canari sur le balcon, L'Hippopotame, Jane B. Et Je t'aime, moi non plus, un joli thème. Horror.